savent ce que j'ai à dire. Tu ne sauras pas. Change de vie, change de temps, va par ici, ou va par là. Change de vie, change d'état, va par ici, ou bien par là. Ou bien par là. Tant que tu, tant que ça, papa et tout.